la puerta de amor, oye, esa pemeta grita de amor, si me. Si va a pet de mozoye, sa pemeto eta de mozeme. Si va a pet de mozoye, mama. Si va a pet de mozoye, si va a pet de mozoye, sa pemeto eta de mozeme. Et moi outil, ma mette pour robinet. Ma fait mon robinet. Pour moi, t'es dit fait à bas de pelen. Yeah.